Au fait, Abel, c'est quoi ton numéro ? Alors, c'est le 06 21 75 84 32. 06 21 75 84 32. Super, merci. C'est un portable français ? Oui, mon numéro de fixe en Espagne, c'est plus 34, c'est l'indicatif pour l'Espagne, 33, 98, 92, 34. Ah oui, tu es espagnol ! Non, je ne suis pas espagnol. J'habite à Madrid. Et toi, quel est ton numéro ? Moi, je n'aime pas les téléphones portables. J'ai un fixe. Mon numéro, c'est le 01 45 79 82 58. Attends, 01 45 79 82 58. Tu as mon adresse mail ? Non. Alors, c'est Maria, M-A-R-I-A, point, Rossi, R-O-2-S-I, arrobase, volontaire, V-O-L-O-N-T-A-I-R-E, point, org, O-R-G. Et toi ? Mon mail, c'est Abel, A-B-E-L, Pérez, P-E-R-E-Z, @volontaire.org. Ok, merci. Bon, eh bien, au revoir, Abel. À bientôt au téléphone ou par mail. Oui, à bientôt, Maria.